haine par nostalgie de l'enfant que je n'ai pas. Et si elle avait été plus âgée que moi, par la recherche de la mère, et si nous avions eu le même âge, ça aurait été la quête de la sœur que je n'ai pas eue, et si j'avais eu des sœurs, mais voyons, le substrat incestueux de cette sœur que je n'aurais pas eu le droit d'aimer. Merde à Monsieur Freud et à Mademoiselle Bonaparte, j'aime. Et cela suffit. J'aime Isabelle et si je souffre parfois qu'elle puisse avoir l'âge d'une fille que j'aurais eue, c'est parce que d'une certaine manière elle l'est devenue, par sa faiblesse, sa vulnérabilité qui m'ont donné, violemment, le désir de la protéger, d'en prendre la responsabilité, avec ce vertige exaltant de me sentir nécessaire, forte et grande. M'a-t-elle trompée depuis que nous vivons ensemble? Peut-être, deux fois. Oui, un soupçon que je n'ai jamais cherché à approfondir. À quoi bon vérifier si Isabelle est la belle Esa aux yeux verts bouleversants? À quoi bon s'assurer qu'Isabelle est Caroline au corps musclé et harmonieux de danseuse? En quoi cela m'aiderait-il de savoir qu'effectivement Isabelle a eu pour elle une flamme, une flambée, un coup de sens ou de cœur, puisque je n'en ai pas souffert? Qu'elle s'est toujours comportée avec moi de la même façon tendre et amoureuse. Je lui avais dit, très vite, au début de notre union, ce que je dis toujours aux femmes qui partagent ma vie, surtout, si nous nous trompons occasionnellement, ne nous l'avouons jamais. Je parle bien sûr des amours passagères. On s'aime, pour la vie, on se dira tout, on ne se cachera rien, nu devant l'autre, quelle bêtise. Si l'on tient parole, si on avoue à l'autre son aventure, certes, on soulage sa conscience. Pour empoisonner la vie de l'autre, faute avouée est à demi pardonnée, mensonge. Doublement lourde, oui, cette trahison qu'on vous jettera à la figure à la première dispute. Et si l'on se tait, que l'on se cache, et que l'autre l'apprend. Larmes, accusation de mensonge, plainte. Non, il faut, si l'on se hasarde hors du nid, le dissimuler à tout prix, par amour de l'autre, par respect pour l'autre. Alors si Isabelle m'a trompé, elle a respecté nos conventions puisque je n'en ai ressenti aucun malaise. Aussi, moi, si je la trompe un jour, j'aurai la ruse du sioux et la prudence de serpent pour ne pas la peiner. Mais je n'en ai pas envie. Je ne l'ai encore jamais trompée. Pourquoi? Pour qui? Qu'attendrais-je d'une autre femme? Que m'apporterait une autre fille? J'ai tout en Isabelle. La beauté, la tendresse, la sensualité, la jeunesse. Que ferais-je dans d'autres bras, dans d'autres lits? 5. Cannes. 13 juin 1974. Il fait déjà chaud, mais il y a encore peu de monde, les Parisiennes n'arriveront qu'en juillet. Je travaille peu. Je compte surtout sur ma clientèle de Paris pour faire marcher le jockey. Les lesbiennes de province, même ici, sur la côte, où elles se veulent plus audacieuses, vivent peureusement des vies clandestines. Leur audace se résume à venir boire un verre le samedi soir, en rasant les murs, de peur qu'on ne les voie franchir le seuil de mon antre de perversion. Lesbienne Bovary, étouffée, jugulée, soupçonnée, inquiétée parfois, méprisée toujours et partout, sauf peut-être à Saint-Tropez et Mykonos, lieu inexplicablement tolérant aux homos des deux sexes, terre d'asile où l'on peut sans dommage risquer en public des gestes aussi obscènes que se tenir la main, s'effleurer les lèvres. Je pensais naïvement que Cannes, où l'homosexuel mal est roi, serait aussi pour nous une oasis de liberté. Je constatais qu'il n'en était rien, que ni le soleil ni la mer ne rendaient les gens plus indulgents, que les lesbiennes de la côte étaient aussi effarouchées qu'ailleurs. L'infirmière, la secrétaire, la prof, la vendeuse, l'avocate lesbienne risque leur travail ou leur considération si elles sont reconnues par leurs collègues ou leurs supérieurs. Dunkerque à Tamanrasset, la lesbienne de province, et j'en sais quelque chose, moi qui le fus, étouffée agonise, souffre et craint. Pourtant, pleine d'espoir, je croyais que les filles de Nice et de Cannes allaient m'accueillir triomphalement, moi qui venais leur offrir à domicile un petit Katmandou pour l'été. Ce Katmandou parisien qui fait soupirer d'envie et de nostalgie à longueur d'hiver les lesbiennes de province. Je dois déchanter. Il n'y a au jockey, en ce début de saison, que quelques clientes, vieilles connaissances du temps où je venais de Marseille pour mes frasques, du temps où j'étais une petite prof à la longue natte brune, et dont on me dit aujourd'hui encore qu'elle était une bien jolie fille. Il y a aussi quelques hommes, comme aux quatre, de ceux que j'aime bien, assez sûrs d'eux-mêmes pour laisser leur phallus au vestiaire lorsqu'ils pénètrent sur notre territoire. Isabelle est partie 3 jours pour aller faire des photos à Saint-Tropez. Son absence ne pèse guère sur le jockey, mais l'appartement que j'ai loué pour la saison est vide et je m'ennuie d'elle. Je n'ai pas de goût à grand-chose. La plage ne me tente plus, la ville ne m'attire pas, l'arrière-pays me désole sans Isabelle. Je passe mes journées à lire ou à regarder inutilement la télévision dans ce 4 pièces absurdes décorées avec prétention et bêtise. Dans notre chambre, Isabelle avait dissimulé le papier mural, hideux, avec des grandes photos d'elle. On ne pouvait même pas ouvrir les fenêtres tant la rue, voie d'accès à l'autoroute, était bruyante. Son retour est une fête. Elle a déposé ses bagages, jeté sa casquette à la volée. Le chien Victor et moi, fous de joie, sautons en piaillant autour d'elle. Ronde amoureuse, rite sacré de toutes nos retrouvailles, elle danse, elle aussi, plus gracieuse et plus belle. Nous nous caressons, nous nous embrassons, nous nous léchons les uns les autres, nous nous aimons, Isabelle, Victor et Lula. Nous sommes les 3 êtres les plus heureux du monde. Elle raconte ses 3 jours, ses photos, ses rencontres. Nous rions, elle est belle, il est beau mon amour à la peau fleurant la cannelle, au sexe doux et profond, au parfum de musc et de goyave. Je me penche sur ses senteurs, les yeux clos, palpitantes, pour sombrer dans son corps avec un goût d'absolu, dilaté de tendresse et de désir. Le jockey commence à s'animer. Isabelle y règne, elle est grâce et harmonie, je la contemple, fière, orgueilleuse, amoureuse. Avant que la saison ne batte son plein, elle doit encore me quitter quelques jours pour une dernière série de photos. Ensuite le club aura besoin d'elle tous les soirs et nous ne nous séparerons plus de l'été. Je n'avais jamais vu les deux filles qui ce soir-là entrèrent au jockey. Je joue mon rôle d'hôtesse, tente de les placer, mais elles préfèrent rester au bar et commencent à parler avec Joss la barmaid qu'elle semble connaître. Ce sont donc des filles de la côte. Je m'approche. Bonjour, je suis Elula. Je sais, répond la plus jeune. Et je disais justement à Joss que c'était un comble, j'habite Cannes, et c'est en allant chez vous, à Paris, la semaine dernière, que j'apprends que vous êtes ici. Nous parlons de choses et d'autres toutes les deux. Sa camarade, style assistante sociale, n'est pas loquace, elle s'appelle Alice, elle est barmaid dans un snack, à l'autre bout de Cannes. Elle a une gentille frimousse auréolée d'une chevelure bouclée, blonde, les yeux bleus très clairs, mignonne. Le lendemain, comme la semaine dernière en l'absence d'Isabelle, le chien Victor et moi restons couchés à somnoler et à ronger qui ses ongles, qui sont hauts en plastique. Le soir en me préparant, je me surprends à penser, que vais-je mettre ce soir qui plairait à Alice, hier, ne m'a-t-elle pas dit à demain? Je secoue la tête pour chasser cette pensée incongrue. En quoi cette fille m'intéresse-t-elle? Elle n'est ni le genre de femme que j'aime, ni rien puisque j'aime Isabelle. Elle a meublé le vide d'une soirée morne avec sa jolie petite gueule et son sourire. Elle revint, seule, sans son affidé. Peu de monde encore, ce soir, une lesbienne indigène, genre Jules, me fait une cour lourde et lassante. J'ai l'habitude. Tenir une boîte m'a rendu très modeste sur l'impact de ma séduction. Le petit projecteur qui m'auréole parce que je suis la patronne attire les clientes vers moi comme des phalènes. Papillons de nuit qui rêvent de brûler leurs ailes à moi l'eau factice, à mon vedettariat d'illusion. Je leur semblerai tout aussi séduisante avec un œil de verre ou une jambe de bois. Ce n'est pas moi qui leur plais et les séduis. C'est mon image où elles projettent leurs fantasmes et leurs rêves. J'ai l'habitude donc, et je sais dévier les tirs, esquiver les attaques, glisser entre leurs doigts avec un sourire, déjouer leurs ruses. Tout cela en évitant de les vexer, de les blesser, de provoquer leur rancune, qu'elle réalise que ce n'est pas possible sans qu'elle le ressente comme un échec ou un camouflet. Louvoyer, même si parfois ma patience est à bout, le Jules m'invite à danser. Je ne peux pas refuser en alléguant que je suis trop occupée. Il n'y a qu'Alice et elle dans la boîte. Elle m'encercle fermement, s'évertue à se coller contre moi. Essaie de forcer mes lèvres, je dois la repousser avec quelques ménagements, ses assauts pâteaux m'irritent, Alice m'invite à son tour, elle me serre à peine, juste des pressions légères qui se feront plus insistantes tout au long de la nuit, elle frôle mon visage de sa crinière blonde, de ses joues, enfin de ses lèvres, son corps mince épouse le mien qui s'émeut, je ne me dérobe pas. Mais je me dégage doucement. Je suis troublé par cette cour discrète, presque silencieuse, faite de regards et de gestes. Je ne veux pas me poser de questions. Je fais le vide en moi, être simplement présente et disponible au moment que je vis, ne pas chercher à expliquer l'attirance que j'ai pour cette fille qui correspond si peu à ce que j'aime, ne pas penser aux conséquences de mon désir. Ne pas penser à Isabelle. Comment pouvais-je alors imaginer que ce vague désir que j'étais disposé à assumer avec légèreté, allait plus tard me détruire? Il est tard. Je décide de fermer. Avec une impulsion que je ne m'explique pas et que je ne cherche pas à comprendre, je chuchote à Alice. Attendez-moi derrière le bar. J'expédie mon Jules encombrant qui disparaît dans la nuit. Vrombissant son dépit au volant d'une Porsche vert pomme, je dépose avec précipitation Joss à la Conga, restaurant ouvert jusqu'à l'aube où nous avons coutume de grignoter quelque chose avant de rentrer. Vous ne venez pas, Elula? Non, je suis fatiguée. Je rentre. Isabelle arrive demain. Bonne nuit. Alice est sur sa moto. Elle m'attend. J'arrête ma voiture. Elle vient se ranger tout contre la portière et reste en selle. Ma vitre est baissée. Elle se penche vers moi et m'embrasse. Désagréable. Elle mord, plutôt, ses dents petites et aiguës me labourent l'intérieur des lèvres. Je recule. Le jour se lève. Pâle. Pâle comme ses yeux, d'un bleu presque blanc. Pâle comme sa peau. Blême. Nous nous sourions sans avoir grand-chose à nous dire. Vous savez, c'est la première fois que je me fais agresser par un motard. Ça n'est pas dans mes habitudes non plus. On s'embrasse à nouveau. Je gémis doucement. Elle se fait moins mordante et moi je m'habitue. Canne s'éveille. Des gens passent près de nous, barbouillés de sommeil, pressés d'aller travailler ou de retrouver leur lit. Nous n'étonnons personne. On doit vous prendre pour un petit garçon. Elle en a l'allure, avec son t-shirt, son jean, et sa poitrine inexistante. Venez avec moi. Non. Pourquoi? Votre ami n'est pas là. Ce n'est pas une raison. Et ce n'est pas la question. Pas comme ça. Pas si vite. D'ailleurs je ne l'ai jamais trompé depuis 4 ans. Moi non plus. Et je vis avec mon ami depuis 6 ans. Mais aujourd'hui, je veux rentrer avec vous. Elle m'embrasse à nouveau, sauvagement. Je n'ai pas envie de faire l'amour avec elle. Ce gentil motard me trouble. Sans plus. Je dois rentrer maintenant. Quand? Quand vous reverrai-je? Quand vous voudrez. Au club tous les soirs. Je démarre. Elle me suit, me dépasse, me contourne, pétaradant, caracolant, puis disparaît dans le jour à peine né, en agitant la main. Charmante intermède. Isabelle rentre demain. 6. Il y avait du monde. Enfin, au Jockey. Isabelle, belle, comme toujours, tantôt hippie de luxe. Tantôt femme fatale, tantôt garçon équivoque ou jeune fille à croquer, était au disque, derrière le bar. Je lui présentais Alice. Pas mal ce petit garçon, me dit-elle un peu plus tard en souriant. Si tu n'existais pas, je me le ferais bien. Je souris à mon tour. C'était la première fois que nous avions presque le même goût. Je dis presque, car si Isabelle a parfois un faible pour les filles un peu androgynes, je penche, moi, résolument pour la féminité. Au cours de la soirée, me trouvant près d'Alice, je lui glissais, pur badinage, souriante, vous savez, Isabelle vous trouve très à son goût. Vous avez toutes vos chances avec elle. Marivaudage. J'étais sûre de l'amour de mon amour. Alice haussa les épaules et me regarda droit dans les yeux. Moi, Elle ne me plaît pas du tout. J'aime les femmes, les vraies, comme vous, pas les gamines. C'est ce que je voulais entendre. Entre Isabelle et moi, aucune rivalité n'était possible. Nous étions trop différentes l'une de l'autre pour attirer les mêmes cœurs. Les jours passèrent. Vanina, mon amie gynécologue, était arrivée. Elle était descendue à Saint-Paul-de-Vence, mais venait tous les jours à la plage avec nous. Isabelle y était reine. Nous avions beau avoir élu demeure à la PD, bi. Lorsqu'elle se levait, statuette des reins aux hanches épanouies, ses seins en pomme pointés vers la mer, même les garçons les plus indifférents regardaient Vénus entrer dans l'eau. Nous étions tout un groupe. Vanina, Joss la barmaid, quelques clientes amies, et parfois Alice qui nous rejoignait, pâle, blafarde, lunettes noires, refusant de se mettre en maillot, elle jouait avec Isabelle, deux jeunes chiots fous roulant dans le sable, s'agaçant, se taquinant, nous éclaboussant de sable et de rire. Je protestais, arrêtez mes chéris, vous allez faire croire des choses. Trompez-moi à la rigueur, je veux bien. Mais pas aussi ouvertement. J'ai l'air de quoi entre vous deux. Nous rions toutes. C'était l'été, elles étaient jeunes, elles s'amusaient. Et moi j'étais là, les seins nus comme tout le monde, mais lucide, consciente de la différence de nos corps. Isabelle la perfection, Alice le garçonnet, Vanina grande et mince malgré sa quarantaine, et Lula, un peu trop épanouie. La poitrine est petite, elle ne s'affaisse pas. Mais l'ensemble, la graisse insidieuse qui m'enveloppe sournoisement me révolte. En douce, elle m'a bardé, année après année, mine de rien. C'est le jean d'il y a 2 ans où l'on ne rentre plus, c'est le chemisier qui devient trop cintré. Sur les plages, au grand soleil de midi, le bronzage arrange un peu les choses. Mais le temps n'est plus où je pouvais plastronner sur les grèves. J'aime trop la beauté pour ne pas être consciente que je n'y suis plus à mon avantage. Je n'ai plus, sur le sable, l'âge de poursuivre l'onde, les ondines et les ballons multicolores. À moi les boudoirs tamisés de l'automne avant les alcôves désertées de l'hiver. À moi l'intelligence au secours de mes rondeurs. Et le charme au secours de ces atteintes du temps qui sourdent un peu partout sur mon corps. Je crois bien sûr que l'on peut encore m'aimer, mais chaque jour ce sera un peu moins pour mon corps et un peu plus pour mon âme. J'acceptais avec d'autant plus d'indulgence leur jeu de jeunes animaux fous, que les après-midi où Alice ne venait pas se rouler sur le sable avec Isabelle, c'est avec moi qu'elle les passait. Désormais, j'étais obsédé par ce gentil petit motard qui m'avait vaguement troublé un matin de juin. Je ne peux pas dire exactement quand la maladie m'avait atteinte, mais je sais exactement quand j'en pris conscience pour la première fois. Ce fut le soir où, quittant le club, elle prit le virage un peu trop vite et heurta une voiture qui venait dans l'autre sens. J'avais assisté au choc, je courus vers elle. Elle se relevait déjà, grimaçant un peu, le coude à vif. J'avais versé du whisky sur l'écorchure et l'avais raccompagnée chez elle en voiture. Cette éraflure bénigne m'avait bouleversé. Je m'en étais alarmé, mon cœur avait battu trop vite. Je m'étais souri à moi-même, pour effacer le désarroi où me plongeait cette découverte. J'étais amoureuse, affamée de sa présence. Tous les prétextes devinrent bons pour aller la retrouver. Tous les mensonges me vinrent naturellement à l'esprit pour tromper Isabelle. Je recommençais la ronde clandestine que j'abhorrais mais dont je ne pouvais me passer. Je feignais, certains après-midi, d'être trop lasse pour aller à la plage. Isabelle partait seule sur sa petite mobilette. À peine tournait-elle le coin de la rue que je me jetais sur le téléphone. Alice, je viens vous chercher. D'accord. 10 minutes après, j'étais près du snack. À l'attendre, enfoncée dans mon siège pour ne pas être vue. À 3 heures, elle descendait les marches et venait vers moi. Je la regardais arriver, dévorant chacun de ses gestes, adorant sa crinière, ses lunettes noires, son éternel gentil t-shirt, sa démarche lourde et disgracieuse. Elle s'asseyait auprès de moi, un sourire à peine esquissé. Je démarrais vite et nous allions n'importe où. Haut de Cagne, à Golf Juan. À Valory, la voiture roulait, je n'étais plus qu'une femme amoureuse, Je ne pensais à rien d'autre qu'à ses gestes, à ses regards, sa main sur ma nuque, moite de chaleur, un doigt qui dessinait mes lèvres, et je défaillais presque de plaisir. Nous nous embrassions peu, hâtivement, furtivement. Nous étions deux femmes en plein air et au grand jour. Nous n'avions donc pas le droit de nous aimer. Je savais par expérience que si jamais nous nous embrassions, les automobilistes s'arrêteraient, brandiraient ou leurs poings ou même leur sexe. Au pire, ils nous prendraient en chasse, hilares, excités par une poursuite rodéo qui ne leur coûtait rien et qui nous gâcherait notre escapade. Alors, sur le qui-vive, assises dans nos sièges respectifs, nous parlions, peu ou beaucoup selon les jours, selon ses humeurs surtout, tantôt bavarde et enjouée, tantôt muette, la légère cicatrice qui barrait son sourcil droit palpitant, le front froncé. Elle semblait en proie à des douloureuses questions qu'elle taisait. Je m'en inquiétais à peine, je me laissais surprendre par ces mystères qui donnaient une intensité différente aux rares moments que nous partagions. Au fil des jours et des rencontres, j'appris à la connaître. Sa vie n'avait rien d'exceptionnel. Une famille aussi nombreuse que modeste, un pavillon de banlieue, une difficulté d'être qui la poussait à refuser la route grise où elle apprit à marcher, l'envie de fuir, de vivre autrement, puis le lycée, un brevet pour la vie, un cours de comédie pour l'illusion, des petits travaux ici et là, enfin une moto, sa passion, des courses folles dont elle garde cette fine cicatrice au-dessus de l'œil que j'aimais à caresser des yeux, des doigts et des lèvres, aussi loin qu'elle s'en souvienne. Elle n'a jamais aimé que les femmes, juste un essai, manqué, avec un ami homosexuel, deux albatros maladroits et inquiets voulant marcher comme les autres, qui se termina par un fiasco splendide au milieu d'éclats de rire. Elle n'attendait rien des hommes, il ne voulait rien des femmes, pourquoi donc cette tentative vouée de toute façon à l'échec, sinon pour faire comme tout le monde, sinon parce qu'à 16 ans on a peur de se singulariser, de s'accepter différent. Je suis venu à Cannes passer des vacances, j'ai rencontré X, oui, la femme du chanteur, elle tenait un restaurant. J'en suis tombée follement amoureuse. J'avais 18 ans. Alors l'été fini, je suis restée sur la côte, pour demeurer près d'elle, pour ne plus rentrer chez moi. J'ai fait la plonge dans son restaurant. J'ai mis des mois à la séduire. Elle avait 40 ans. Pendant que j'écoutais cette voix aux accents faubouriens, le cœur battant, je faisais des comptes. Terrible calcul mental que je n'ai plus la liberté de négliger, j'ai 45 ans, elle dit de plus qu'alors, et se taira, et je toutes mes chances, peut-elle m'aimer vraiment, puis-je avoir de l'espoir, et se taira, comptabilité inutile mais inévitable pour moi qui vivais pourtant avec une femme de 23 ans ma cadette, j'oubliais cela. Attentive que j'étais à ma passion nouvelle et à mon angoisse du temps. Je l'écoutais inlassablement employer des mots simples pour raconter une histoire simple. Alice était restée cannoise après s'être séparée d'X. De boîte en restaurant, de la plonge au service. Elle avait fini au snack où elle travaillait depuis 5 ans maintenant. Entre-temps elle avait rencontré dans I, sa panthère rouge qui n'aimait pas les femmes, mais s'était laissé séduire par ce petit page équivoque aux yeux rieurs, au sourire de loup. Elle vivait aujourd'hui avec Danny et son fils âgé d'une dizaine d'années dans un HLM de la périphérie. Je l'entendais avec ferveur raconter des épisodes de leur vie commune, aussi banal que 5 jours à la neige l'an dernier, un gueuleton terrible avec des copains PD 2 hivers auparavant. À 28 ans, son horizon se limitait au comptoir d'un snack et au cintre de vêtements de Danny, vendeuse dans une boutique de prêt-à-porter. Mais je m'en souciais fort peu et ne me posais aucune question. Je ne me demandais pas pourquoi j'étais si attachée à cette petite serveuse joliette dont la vie et les péripéties qu'elle me narrait m'auraient profondément ennuyée venant de quelqu'un d'autre. J'aurais dû aimer boire des mots merveilleux à ses lèvres que j'embrassais si peu. Je n'en faisais rien. Je l'écoutais béate, dévidée c'est rien. Fallait-il que je fusse amoureuse pour dévorer ainsi la moindre de ses paroles? Comme j'enviais Danny qui l'avait à elle, qui dormait avec elle dans son F3 mal meublé, comme j'aurais voulu mener cette existence monotone et difficile en échange d'un sourire d'Alice. Qu'est-ce qui m'attachait à elle avec cette force? Était-ce sa façon de me regarder avec ses yeux pâles quand elle dansait avec Isabelle? Ses regards furtifs qu'elle dérobait à l'assistance parce qu'il m'était destiné? Je ne sais pas, je ne l'ai jamais su. Obsédée par Alice, Isabelle devenait pour moi une sorte de paysage permanent qu'on ne voit plus guère. Rien n'était changé en apparence, j'étais la seule à la savoir désormais à l'arrière-pays de ma vie. Il m'arrivait parfois de ne pas remarquer les efforts qu'elle faisait pour être belle et coquette. Il fallait alors qu'elle me prenne par les épaules pour que je la regarde et juge de sa tenue. « Tu es très belle mon amour, comme toujours », disais-je en l'embrassant. Je lui souriais. J'étais sincère, mais j'agitais déjà les clés de la voiture, pour lui signaler que nous devions partir au jockey. Retrouver Alice. Je ne supportais plus de rester seule avec Isabelle, la raison en était un mélange confus de culpabilité et d'impatience, impatience de voir Alice, d'être avec elle, de l'entendre. Je ne faisais guère l'amour avec Isabelle et pas du tout avec Alice. Il est vrai que j'étais malade et extrêmement fatiguée. Un sale fibrome me rongeait le ventre et j'allais d'hémorragie en hémorragie. Ma gynécologue pensait qu'il s'agissait probablement d'une tumeur bénigne, mais il fallait quand même s'en assurer. Cela ne faisait qu'ajouter à mon inquiétude et aux troubles nés de mes amours clandestines. À la rentrée, je devais me faire opérer. Où en serais-je alors avec Alice? Et avec Isabelle? Il n'y avait pas de médecine, ni de bistouri pour les sentiments intenses et confus qui agitaient alors mon cœur et mon corps douloureux. Allais-je perdre Alice et ma santé en septembre? C'était impensable, impossible. D'ailleurs j'avais justement besoin d'engager une fille pour le Katmandou. Alice évidemment me semblait être la personne que nous cherchions. Avant de quitter Paris, nous étions convenus, Aimé et moi, d'écongédier une de nos filles, pour de multiples raisons et non des moindres. Il fallait lui trouver une remplaçante pour la rentrée. « Ne t'inquiète pas », avais-je dit à Aimé. « En 3 mois, sur la côte, je trouverai quelqu'un de neuf, un visage inconnu, ce qui plaira. » Je l'avais trouvée, mignonne, efficace, sympathique, débrouillarde. Alice ferait merveilleusement l'affaire. Juchée sur un tabouret, au coin de son bar où je passais de longs moments à l'épier, je l'avais jugée. Elle savait plaire aux hommes comme aux femmes. Et d'un sourire, d'un clin d'œil qui promettait tout et rien, elle avait à sa dévotion un essaim de minette qui s'agrippait au comptoir. Sérieuse, un peu allumeuse, elle était l'assistante rêvée. Avec elle, je pourrais réaliser mon désir. Avoir une boîte sur la côte à l'année, en même temps qu'à Paris. Formée, féminisée, affinée, Alice pourrait devenir ma seconde, mon bras droit. Mais, le voudrait-elle? Dans I, son amie, était canoise et s'accrochait au cintre de la boutique, rue d'Antibes, comme une arapède à son rocher. Elle était le hic, l'aléa, l'ennemi. Pendant l'une de nos escapades, alors que nous roulions sous la chaleur, attentive à ma conduite, sans même la regarder, je lui fis part brusquement de mon projet. Elle éclata de rire, à mon grand étonnement. « Vous vous moquez de moi, Elula ? » « Moi aux quatre, vos clientes se foutraient de moi. » Ce n'était pas tout à fait faux, telle qu'elle était elle aurait choqué certaines habituées, mais il y a du Pygmalion en moi, et c'était précisément cette idée-là qui m'excitait. Je voulais à nouveau infléchir un destin et transformer une figure. Il me fallait la convaincre. Ainsi je mis à profit les courtes heures où nous battions la campagne pour lui faire accepter ma proposition, entre deux frôlements de mains et deux baisers hâtifs. Elle affirmait que dans I ne voudrait jamais quitter Cannes. Je me faisais fort de lui trouver du travail à Paris. Elle ne voudra pas abandonner ses amis, ses habitudes. Mais vous Alice, vous voulez, toute votre vie, jouer à servir des cafés? Elle secouait la tête et se taisait. Elle ne me disait pas qu'elle allait tout quitter, Cannes, dans I, son travail, par amour pour moi, j'aurais tant voulu le lui entendre dire. Mais j'avais le temps, l'été n'était pas terminé. Alice m'aimerait, Alice travaillerait avec moi, pour l'heure, Elle ne parlait jamais d'amour. J'essayais parfois de la provoquer. C'est incroyable. Je ne me sens pas coupable envers Isabelle. Moi non plus, répondait-elle. D'ailleurs, nous ne faisons rien de mal. C'est presque pire. Mais nous n'y pouvons rien. Moi en tout cas, je n'y peux rien. Je vous ai rencontré. Vous n'êtes rien de ce qui me plaît et pourtant. Comme c'est étrange. Oui. Moi aussi, j'aime Nancy et pourtant. Nous sommes là ensemble. Alice jouait avec mes doigts. Nous étions allongés dans l'herbe, cachés dans un buisson au bord d'un étang. Nos mains caressaient nos visages, parfois nos poitrines. Elle avait des seins de fillette. C'est à peine s'il déformait son t-shirt. Quand je portais ma main sur sa poitrine, je craignais qu'elle ne me repousse. Honteuse, gênée, pensais-je, par sa platitude, objet constant des plaisanteries de notre petit groupe lorsqu'elle venait nous rejoindre sur la plage. Moi qui aime tant la douceur ronde et tiède des seins, j'étais ému et attendri par les formes minuscules d'Alice. C'était là nos caresses les plus osées. Jamais nos mains ne s'égaraient. Nous avions des prudeurs d'adolescentes. Ces effleurements timides, ces caresses inachevées, ces corps à corps désirés et impossibles me la rendaient plus chère et m'éloignaient d'Isabelle. Soudain Alice me dit, la paume de sa main sur mon sein. Vous croyez que c'est une solution que je vienne à Paris avec vous? Près de vous? Si vous venez à Paris, si vous travaillez avec moi, au bout de quelques mois, vous le savez, nous serons séparés. Vous à Cannes, moi à Paris. Nous nous croiserons dans les aéroports. Il n'y aura pas de problème. Et puis on verra par la suite. Elle m'embrasse sauvagement. Nous roulons dans l'herbe. J'étais amoureuse et j'avais 15 ans. C'est dire si le soir je guettais son arrivée au club. Je reconnaissais son coup de sonnette. J'ouvrais doucement le judas pour mieux la regarder sans être vue. Elle avait une façon de se tenir, le visage légèrement tourné vers la rue, inquiète d'une éventuelle apparition de Dan-I, l'épaule gauche appuyée sur la porte, que j'adorais et que j'aimais à contempler quelques secondes avant d'ouvrir. C'était pour moi le plus bel instant de la nuit, car une fois le seuil du jockey franchi, il fallait feindre l'amitié, le copinage. Parfois elle ne restait que quelques minutes, dont il l'attendait dans une boîte de garçons, avec sa bande de copains homosexuels. Elle détestait les boîtes de filles. C'était une de ces femmes qui nient être lesbienne, qui affirme aimer une femme, mais pas les femmes. Nuance. Attention. Ne confondons pas. Ne mélangez point, je vous prie, madame, les torchons avec les serviettes. Je n'ai rien de commun avec ces vicieuses qui couchent ensemble. Moi j'aime une femme, alors je me donne à elle. Nuance. Nuance. Je déteste ces lesbiennes hypocrites, ces gouines honteuses qui crachent sur l'inversion de leur propre sexe et s'entourent d'invertis du sexe opposé. Dans y hantait les boîtes de pédérastes. Son mépris des gouines m'était insupportable. Lorsqu'elle daignait venir au jockey et poser une fesse sur notre moleskine saphique, elle était évidemment mal à l'aise, et nous regardait comme des êtres d'un autre monde. Je n'étais pas jalouse d'elle, mais exaspérée en tant que lesbienne triomphante devant cette femme qui n'osait pas appeler son amour par son nom. Après la fermeture du club, lorsqu'enfin je regagnais notre chambre, Isabelle endormie, levée au creux de mes bras, je restais immobile, les yeux longtemps ouverts, fixés sur les îles sous le vent, les Aléoutiennes, les Caravelles, les Santa Maria, les Nina et les Pintas imprimés sur le papier qui décorait le mur. J'étais coupable, coupable, je me sentais sale comme le jour gris qui envahissait alors la pièce, sale, moche et désespérée. Je ne partageais plus entièrement ma vie avec Isabelle, je lui cachais mes pensées, je ne lui donnais plus tout mon temps, je l'abandonnais pour marivauder bêtement avec une serveuse trop jolie. Elle ne méritait pas cela, Isabelle, douce, splendide. Quand elle me caressait, j'alléguais trop souvent ma fatigue pour repousser ses avances et tarir son désir. Où donc était le temps de la frénésie amoureuse qui nous dévorait toutes les deux? Où donc étaient passés ces petits matins, lorsqu'un peu grise nous nous caressions brutalement, hâtivement dans l'ascenseur, jouissant parfois ensemble avant même d'atteindre notre étage, en achevant de nous aimer dans la cabine immobilisée et obscure? nos gestes rapides ébranlant l'étroite cage où nous étouffions nos gémissements. Qu'elle est loin cette nuit où agenouillée sur des dalles froides d'un couloir elle m'embrassait le sexe, provoquant ces jouissances fulgurantes que nous connaissions parfois l'une comme l'autre. Aujourd'hui son avidité amoureuse me gênait. Il n'y avait plus de place pour elle dans mon esprit trop plein d'Alice, trop plein de mensonges, trop plein de cette aventure que je ne comprenais pas. 7. L'arrivée de la mère d'Isabelle que nous avions invitée à passer 15 jours avec nous rendait mes évasions rares et compliquées. Je commençais même à regretter sa présence que j'avais pourtant souhaitée de tout mon cœur. De 3 ans ma cadette, Hélène restait une très belle femme dont la fille était la réplique parfaite. Elles se ressemblaient comme deux sœurs. Je me refusais à le reconnaître, mais cela me faisait mal. Je ne pouvais en effet me cacher certaines évidences. Parfois, trop souvent même, lorsque je sortais avec Isabelle, on me prenait pour sa mère. Est-ce que je devenais ridicule? Notre couple devenait-il risible? J'étais agacée, exaspérée. Ne ferais-je pas mieux de tout abandonner, de me ranger comme on dit, d'oublier Elula séductrice, la femme à femme que je voulais rester, que j'étais encore? Alice était là pour le prouver. Je n'avais pourtant rien perdu de mes désirs et je plaisais toujours. Mais je comprenais soudain la violence du temps qui passe et nous marque. Je redoutais ce moment où peut-être un inconnu me demanderait si Isabelle était ma fille. Je blêmissais à cette seule idée, je dissimulais ma douleur sous la colère. Mon angoisse retenue jaillissait parfois dans un cri absurde qui s'échappe et vous surprend. Si plus de 10 personnes me prennent pour ta mère, je te quitterai, disais-je, les dents serrées, à Isabelle. Elle ne répondait pas, elle ne répondait plus. Qu'aurait-elle pu ajouter à ce qu'elle m'avait dit 1000 fois déjà, que les gens étaient bêtes, que cela n'avait aucune importance, que notre amour était l'essentiel. Je n'écoutais plus, je ne savais plus entendre. Alice, elle, on ne la prenait pas pour ma fille. Sale gouine, vicieuse, salope, c'est par ces mots qu'Isabelle a pris l'exil qui est trop souvent notre lot de lesbienne, ce fut par ces mots sortis de la bouche de sa mère, cette Hélène qui, aujourd'hui, était parmi nous. Elle avait appris la vraie nature de sa fille, elle, femme libre s'il en fut, après l'avoir fait suivre par un détective privé. Hélène n'avait pas hésité à aller trouver les parents de son amie d'alors, et à cause d'elle, ceux-ci, effarés, effrayés, indignés comme de bons bourgeois, avaient expédié leur fille à l'étranger, au Brésil, on s'en souvient, pour couper court au scandale. Hélène, fille de banquier, élevée au couvent, avait, très jeune encore, abandonné son macho de mari, bon phallocrate comme il y en a trop, et ses 3 enfants. À 28 ans elle se retrouvait seule dans la rue. Elle devint barmaid en attendant mieux. L'apprentissage de la vie fut rude pour cette grande bourgeoise. Elle était aujourd'hui la propriétaire mondaine et plaisante d'un petit restaurant plutôt bien fréquenté. Hélène, on s'en doute, n'avait rien d'une sainte, elle se vantait même devant Isabelle d'avoir quelques amies lesbiennes, mais l'idée que sa fille, ravissante, féminine, eût tourné casaque et préféré d'autres plaisirs aux siens, lui était insupportable. Attitude assez répandue parmi les femmes prétendument libérées, dès qu'elles sont concernées dans leur chair ou dans leur vie, elles refusent, elles repoussent tous ceux ou toutes celles, marginales, qu'elles aimaient fréquenter auparavant, heureuses d'étaler publiquement une liberté d'esprit qu'elles n'ont jamais vraiment eue. Je n'ignorais rien de tout cela lorsque je connus Isabelle et en tombai amoureuse. L'attitude d'Hélène m'inquiétait beaucoup. Aimer une mineure, moi qui tenais une boîte spécialisée, je risquais gros, j'en étais sincèrement effrayée chaque fois qu'Isabelle venait à la boîte. Si sa mère entrait, me disais-je, s'il y avait une vérification d'identité. J'ai même demandé autour de moi comment on faisait pour se procurer une fausse pièce d'identité. Je me souviens qu'à l'époque Aimé avait eu ce trait qui m'avait rassuré. Ça va vraiment pas Elula, tu vas pas nous jouer la série noire maintenant. Point. Hélène finit par se rendre à l'évidence. Un jour, de guerre lasse, Elle fit comprendre à sa fille qu'elle se résignait à la considérer comme un vrai lesbienne et qu'il n'y avait rien à faire. « Autant en prendre mon parti, » conclut-elle, « mais je veux rencontrer Lula. » Lorsqu'Isabelle m'annonça, heureuse, la capitulation de sa mère et me fit part de son désir de me rencontrer, je fus troublée, paniquée même. J'ai failli lui dire non. Certes, au fil de mes amours j'avais été amenée à rencontrer quelques mères, parfois certaines grand-mères et même un ou deux pères, mais à la différence d'Hélène, elle ou ils ignoraient tous des liens qui m'unissaient à leur fille. Délicieuse hypocrisie bourgeoise, parents naïfs ou volontairement aveugles, comme je vous regrettais. Je ne pouvais pourtant pas m'empêcher d'éprouver une certaine estime pour cette mère qui avait décidé d'accepter la vérité et de faire front. Hélène avait une fois pour toutes décidé de jouer le jeu jusqu'au bout et elle le fit. En attendant, moi, j'avais tout bêtement le trac. Hélène choisit de venir au club le jour de notre spectacle. Deux ou trois fois l'an, mes filles et moi nous nous donnions le plaisir masochiste de faire un show, répétant pendant plus d'un mois sketch, ballet, chanson, jurant chaque fois que ce